chłopki łupili mnie koniec sam. Trenach cię okiego maka beryse. To sobie je tak goła słucha wtedy komik rap. Kto leci i wola mazera. Paso łaza do misu se mi zirab. Oprócz prebigła i wtedy fazo wow. Poskąd te tablety se są mi zora. Tu są Paris là-bas les goûts des monuments. Je suis pas un touriste, ça te la frappe en menu mec. A 4 euros faux rouge, on peut s'esquiver mon humeur. Elle m'a l'air sans zombie, j'ai du jack dans la minute même. On s'agère et les flots, tu veux sucer les bails. Les 4 roues sont montrées, tu veux savoir ce qu'on braille. Faut lire la notice si tu veux pas ça mal. Sale, toujours on l'a fait, la carrière t'es sa graille. Vraiment, pose pas au feu rouge, il est déjà derrière. Qu'est-ce qu'on refait tout, Honda Suzuki. On porte jamais l'œil pour les roues arrière. On laisse moi rapper, je t'ai poussé sous split. Tu nous reconnais à fond dans le virage. Plus rien à serrer la haine sur le visage. L'otage je suis inspiré, je vois le rivage. J'ai toujours de la frappe, c'était pas qu'un mirage. La haine comme un Houston. On flaire les civils, direct ça fait Houston. C'est de la bleue où tu pilon qu'on push down. On vient de rappeler le contrôle, on dit ouf. Voix de neuf, c'est moi qui gère. Voix de neuf au quartier, la belle qui sort. Rap, passagère, la caissière. Ça casse le délire, c'est encore habillé, mon taf qui saute. Merci maman, je suis bien les dieux. Yeah. Si je suis souvent dehors, c'est que pour Dieu. Blé, vous la mettre à l'envers, non, je suis pas Dieu. Peu, c'est un feu vert, ça viendra les doux. Blé. PIM, Caro, P. Caliente.